La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour un nouveau périple fait de feu, mais également de chaleur humaine à travers l'œuvre et la vie de l'écrivain américain James Baldwin dans une émission proposée par Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Tiffaine Malfette, Laurane Travagli-Chanal, Rafik Zénine et Alexandre Dang. Il y a cette photo mélancolique de James Baldwin où on le voit, le front creusé et les yeux vagues, un peu bijoutés sous le soleil de Saint-Paul-de-Vence. Et c'est comme s'il pensait à cette phrase où il dit « L'origine de toutes les difficultés humaines se trouve peut-être dans notre propension à sacrifier toute la beauté de nos vies, à nous emprisonner au milieu des totems, tabous, croix, sacrifices de sang, clochers, mosquées, races, armées, drapeaux, nations, afin de dénier que la mort existe, ce qui est précisément notre unique certitude. » Cette phrase, c'est peut-être celle qui résume toute sa quête. Nous nous poserons en tout cas la question jusqu'à jeudi. James Baldwin était essayiste, dramaturge et aussi écrivain. Évidemment, il a construit une œuvre au sein de laquelle on trouve ce petit essai. La prochaine fois, le feu qu'il a rendu célèbre, nous en parlerons demain, tout comme des grands thèmes de son œuvre. Ce sera avec Samuel Légitimus, le président du collectif Baldwin. Mercredi, l'universitaire Jean-Paul Rocky abordera la question de l'homosexualité de Baldwin et l'influence qu'elle a pu avoir sur sa vision du monde et aussi sur sa vision des droits civiques. Tandis qu'en seconde partie, l'écrivaine Geneviève Brisac viendra nous parler de son roman « Si Beale Street pouvait parler » qu'elle a préfacé récemment pour les éditions Stock. Enfin jeudi, nous parlerons d'un autre essai de Baldwin, peut-être le plus radical, intitulé « Chasser de la lumière ». Ce sera avec Félix Poggio, Evangé Epée, et puis en seconde partie, la metteuse en scène Élise Vigier évoquera le roman Harlem Quartet. Elle l'a adapté pour la scène. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de James Baldwin, je reçois Virginie Depardieu, agrégée d'anglais, maître de conférences à l'Université du Havre, auteure d'une thèse sur l'écrivain américain en 2001, dont elle a fait un livre sorti en 2006 aux éditions de l'Harmattan. On lui doit également un essai biographique intitulé tout simplement James Baldwin aux éditions Belin en 2004. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. He sang, no matter the odds, he remained man and spirit and voice, ever expanding and ever more conscious. Let us hold him in our hearts and minds. Tenons-le au chaud dans notre cœur et dans notre esprit. Faisons de lui une parcelle de nos âmes noires invincibles. Rendons-lui gloire comme il se doit, si nous voulons vraiment parler d'autodétermination. Car Jimmy était la bouche révolutionnaire noire de Dieu, si Dieu existe, et que la révolution soit son expression naturelle et juste. Passage de l'éloge funèbre prononcé par le poète et figure aussi du mouvement noir américain Leroy Jones, c'est en 1987, alors que James Baldwin venait de mourir d'un cancer en France à l'âge de 63 ans seulement. Bonjour Virginie Depardieu. Bonjour. Baldwin a écrit dans son roman « La chambre de Giovanni » qu'on ne peut pas inventer nos amarres, nos amants ni nos amis, pas plus qu'on ne peut inventer nos parents. La vie nous les donne et nous les reprend. Et la grande difficulté, c'est de dire oui à la vie. Est-ce que vous diriez, Virginie Depardieu, que Baldwin est un homme qui aura finalement réussi à dire oui à la vie ? Oh, grande question. Je pense que c'est en tout cas quelqu'un qui a choisi énormément tout ce qu'il a fait. Et je crois qu'il disait à un moment qu'il aspirait à être un honnête homme, essentiellement, et peut-être un bon écrivain. Il a été honnête, ça c'est sûr, je pense. Honnête, ça veut dire quoi, honnête, dans ce sens-là, enfin, honnête, pour je pense, honnête en cherchant vraiment la vérité. Ça a toujours été vraiment son but, c'est-à-dire dire la vérité et s'en tenir à cela. Et puis, dénoncer tous les mensonges, les mythes, etc., qui étaient, selon lui, je pense, la source de la majorité des problèmes en Amérique à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui. Alors, les 28 premières années de la vie de James Baldwin, celles qui ont précédé la publication de son premier roman, ces 28 premières années, elles ont été, vous l'expliquez dans votre livre, Virginie Depardieu, particulièrement difficiles. Oui, difficile dès le départ, puisque Baldwin est quand même quelqu'un qui naît déjà enfant illégitime. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui l'a frappé toute sa vie. Hein. Lui-même, à un moment, a utilisé, en fait, disons, cette spécificité dans sa vie, la bâtardise. Hein. Il utilisait lui-même l'expression « bâtard » pour parler du bâtard de l'Occident. C'est-à-dire qu'en fait, le noir était le bâtard de l'Occident. Je ne sais plus dans quel essai spécifiquement. Il dit qu'à un moment, il s'est rendu compte qu'il était en fait le bâtard de l'Occident. Doublement alors, parce doublement, que ne connaissant pas son père. Voilà, et en plus, évidemment, le bâtard de l'Occident symboliquement, c'est-à-dire, bien sûr, être à la fois un pied dans la culture occidentale et un autre, évidemment, dans la culture africaine, puisque les origines, évidemment, africaines-américaines. Donc, un début très difficile, aussi un problème d'identité, qui va revenir très très souvent dans son œuvre aussi, puisque un grand nombre de ses essais parlent de cela, et même les titres, beaucoup de ses essais, alors pas toujours en français, parce qu'évidemment avec les traductions, c'est pas toujours évident, mais par exemple, on a « No name in the street, nobody knows my name hein, ». Donc on personne a beaucoup, ne connaît mon nom, voilà, pas de nom dans la exactement, rue. Exactement, il y a un grand nombre d'essais qui portent sur la recherche en fait de cette identité, identité personnelle, mais aussi évidemment identité au niveau de la communauté, qu'est-ce qu'un noir. Donc il n'est... En 1924, on ne l'a pas dit, à Harlem. En 1924, oui, à Harlem. Harlem, à l'époque, en 1924, c'est la période de la Harlem Renaissance, la Renaissance d'Harlem, hein, mouvement artistique. C'est vraiment la capitale noire du monde. Hein. Et il naît donc illégitime. Et puis, sa mère, évidemment, ne peut pas rester sans mari. Il faut dire qu'elle est très jeune. Hein, quand elle est très, très jeune. Elle est très, très, très jeune. Elle accouche, oui. Elle a 20 ans. Voilà, elle a 20 ans. Et donc, James Baldwin, qui s'appelait James Jones, si je ne me trompe pas, et devient James Baldwin parce qu'évidemment, il acquiert un beau-père, hein, David Baldwin. Oui. Et le beau-père est quand même quelqu'un de pas facile. Hein? Alors, sur son patronyme, parce que c'est particulièrement intéressant, oui. Vous parlez des questions d'identité. Il se trouve que ce nom de Baldwin, c'est le nom que son beau-père a hérité de ses ancêtres esclaves. Et oui, comme la plupart des Afro-Américains, la plupart des Afro-Américains portent le nom de famille qui est en fait, si on remonte un peu plus loin, au temps de l'esclavage, le nom du maître qui a, à un moment ou à un autre, acheté. Donc c'est le nom de l'oppresseur, voilà, que exactement. L'on porte et que l'on transmet, oui, à ses enfants. D'ailleurs, vous avez fait tout à l'heure allusion, en introduction, il y avait cet éloge funèbre de la part de Leroy Jones, qui lui-même, à une époque, s'est renommé Amiri Baraka, à une époque où il y a eu disons, une revendication d'africanité, et un assez grand nombre d'Afro-Américains ont changé leur nom de famille et leur prénom. Bon, Baldwin ne l'a jamais fait. Hein, il a conservé ce James Baldwin, donc hérité du beau-père et bien sûr de l'homme blanc finalement. Ouais. Alors ce beau-père, il est prédicateur. Oui. Ça c'est aussi très important. Ça va marquer beaucoup James Baldwin. Oui, c'est un prédicateur uniquement, disons, du dimanche, hein, c'est-à-dire de temps à autre. Mais c'est quelqu'un qui vivait vraiment la Bible de manière très très très dure. Ouais. Hein, une Bible surtout tournée essentiellement vers l'Ancien Testament. Dieu vengeur, Dieu qui énonce les lois et qui veut absolument qu'on les respecte et qui ne pardonne pas. Et parmi ces lois, il y a multipliez-vous, croissez. Exactement. C'est ce qu'il fait. Beaucoup d'enfants, évidemment. C'était assez fréquent chez les Afro-Américains. Beaucoup d'enfants. Et Baldwin, lui, évidemment, a essentiellement des demi-frères et des demi-sœurs, hein, puisque lui, il est le seul, évidemment, né d'un autre père. Mmh. Alors je vous propose d'écouter ce que Baldwin disait justement de son père dans une interview qui figure dans le bonus du DVD du film que Raoul Peck a consacré justement au combat de James Baldwin qui s'appelle « I'm not your Negro ». Comment était ton père? Que faisait-il? Il était très beau, il était très grand. C'était un prédateur le dimanche. Mais pendant la semaine, il était un ouvrier dans une usine. Il portait chaque jour que je connaissais, chaque matin, il quittait la maison avec son chapeau noir, et son costume noir, chemise blanche, cravate, et très respectable. Mais avec son petit truc pour l'usine, enfin le déjeuner, quoi. Mm-hmm. Et là, dans l'usine, évidemment, il portait pas ça, il portait le bleu français, quoi, le overalls. Et, est-ce que tous les ouvriers de l'usine faisaient comme lui, ou bien il non, était... Non. Il faisait ça parce que d'abord, il était prédicateur, aussi parce qu'il était né dans Nouvelle-Orléans, c'était un type très, très fier, mais horriblement fier. Et c'était son uniforme, c'était son manière de faire les gens comprendre que quand même, il était le Reverend Baldwin n'était pas comme les autres ouvriers. C'était très important pour lui. Et ça lui a sauvé la vie d'une certaine manière. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de James Baldwin avec vous, Virginie Depardieu. James Baldwin qui disait que c'est la fierté de son beau-père qu'il avait sauvé, qu'il les avait sauvés. Vous comprenez pourquoi? La fierté de son beau-père, je pense que, à mon avis, plus que la fierté, enfin, je pense qu'il faut aussi replacer l'époque de cet entretien de Baldwin. Dans les années 70. Baldwin a eu beaucoup, beaucoup de mal avec son père dans les premières années. Il lui en a voulu énormément. C'était un père qui était très, très, très violent, dur, très, très dur. Et puis, je pense que, au moment de la mort de son père, il a dû faire le deuil de son père et il a fini par comprendre, en fait, pourquoi son père se comportait de cette manière, pourquoi il était si dur avec ses enfants. Et je pense que, finalement, dans cet entretien que vous venez de passer, c'est un jugement porté par Baldwin a posteriori. Il est fier de son père, plus peut-être que, vous voyez, que son père pouvait montrer cette fierté. Je pense qu'il est fier de ce qu'a fait son père. Il a réussi, en fait, à comprendre pourquoi son père leur interdisait de faire ceci, cela, voulait à tout prix, en fait, finalement, les protéger du monde extérieur, qui, à Harlem, était un monde très, très, très dangereux pour les enfants. Les protéger aussi de downtown, parce que Harlem, c'est uptown, oui, la ville noire, qui est peut-être moins noire qu'elle ne sera par la suite. D'ailleurs, dans les premières années de la vie de Baldwin, c'est un quartier où il y a peut-être plus d'immigrants qui viennent d'un peu partout, mais il y a quand même cette idée que aller downtown, c'est presque l'endroit du démon. Oui, tout à fait. C'est interdit. Hein, il faut pas y aller. Et Baldwin y va. Baldwin y va pour, disons, il est poussé à y aller pour aller chercher des livres. Oui. Alors, je voudrais qu'on écoute un petit extrait de la description que Baldwin fait de Harlem. Je crois que c'est une description qu'il a faite pour la revue Commentary. Vous allez peut-être nous le confirmer. Ghetto. Voilà, The Harlem Ghetto. On l'écoute d'abord. Rien de ce qu'il voyait à Harlem ne leur était étranger, car tout portait la marque de la misère. Il n'était pas difficile d'imaginer que les calèches avaient autrefois paradé dans cette large avenue, que des dames et des messieurs enroubannés, fleuris, ornés de brocarts et de panaches, étaient descendus de leurs carrosses pour entrer dans ces maisons que le temps et la folie des hommes avaient noircies et dégradées. Les corniches avaient été neuves autrefois. Elles avaient brillé d'un éclat aussi vif que la honte qui les faisait bouder maintenant, ternies et méprisées de tous. Les fenêtres n'avaient pas toujours été aveuglées. Les portes n'avaient pas toujours rappelé la méfiance et le silence d'une cité longtemps assiégée. À une certaine époque, les gens s'étaient occupés de ces maisons. Différence notable. Ils avaient été fiers d'arpenter cette avenue. Autrefois, on y avait résidé, tandis que maintenant, on y était en prison. Une lecture par Jeffrey Carey. Qu'en retenez-vous, Virginie Depardieu? Moi, je pense que, encore une fois, c'est une... La description n'est peut-être pas... Comment je pourrais dire? La réalité d'Harlem, c'était quand même... Enfin, je pense, moi, ce qu'il y avait... différentes choses à Harlem. Hein. Il y a quand même, comme je l'ai dit, la renaissance d'Harlem à l'époque. Mm-hmm. Donc c'est un endroit où il y a une ferveur artistique, etc. C'est ce qu'on a appelé le courant New Negro, c'est voilà, ça ? Voilà, exactement, ouais. Le New Negro, hein, c'est-à-dire en fait un mouvement artistique qui comprenait énormément d'arts très différents, avec, disons, des fers de lance tels que Langston Hughes, County Cullen, qui a été un des mentors de, oui. de et de même Baldwin. un des enseignants de James Baldwin, la poésie, évidemment. Et puis, évidemment, à côté de ce Harlem, qui d'ailleurs attirait un grand nombre de blancs, hein, on avait aussi, évidemment, le Harlem vraiment miséreux, avec tous les problèmes liés à la pauvreté, au chômage, etc. C'est-à-dire bien sûr la drogue, la prostitution, etc. Tous les dangers que David Baldwin, le père de Baldwin, voulait évidemment écarter. Et d'ailleurs, James Baldwin raconte que nombre de ses amis oui. sont morts prématurément, exactement. À cause notamment de la drogue et de la dangerosité, la violence de ce quartier. Mmh. Alors évidemment, c'est l'éducation, c'est l'école qui va permettre finalement à Baldwin de s'en sortir, d'éviter ce destin-là, Virginie Depardieu. Oui. Assez tôt, il se rend compte qu'il a des capacités. Il a des capacités et il est en plus, c'est vrai, conforté dans cette idée par la directrice. Hein. De son école de la 128e voilà, rue. Voilà, qui est une personne de couleur, qui est noire, hein, et qui lui dit qu'il faut qu'il continue comme cela, que c'est bien, disons, c'est la voie qu'il faut qu'il suive. Oui, je crois même que c'est la première directrice d'école de couleur de l'histoire des États-Unis. Exactement. Donc quand même, c'est... Bon, je ne pense pas que James Baldwin, à l'époque, le savait. Mais c'est vraiment cette idée de, disons, elle l'a poussée. Je pense qu'elle a été sûrement, à part évidemment peut-être sa mère qui... je pense avait un avis positif sur lui et renvoyait des choses positives, mais c'est vrai que son père est très rarement lui renvoyait une image positive. Donc là, ça a vraiment poussé. Il a trouvé à l'école une possibilité de, disons, de montrer ses capacités. Donc il y a la directrice que je crois on va retrouver dans un certain nombre de romans comme personnage. Exactement, puisqu'il ne faut pas oublier que Baldwin a énormément mêlé hein, sa vie propre à ses essais, à sa fiction, etc. Ça, mm-hmm. c'est une des caractéristiques de James Baldwin, c'est d'avoir toujours utilisé, s'être énormément inspiré de sa propre vie pour généraliser... Pour essayer de faire entrer l'autre dans son histoire et faire de ça, de son histoire, l'histoire, si oui. on veut. Monter en généralité, finalement, à partir d'un cas exactement. Qui serait oui. celui de sa vie. Il y a aussi, hormis la directrice, il y a une institutrice, oui. mais qui est blanche, celle-là. Oui. Et c'est très Aurélia important. Miller, elle va s'occuper beaucoup de Baldwin. Ah oui, et alors c'est... Elle va le former en dehors de l'école, c'est-à-dire qu'elle va l'emmener au cinéma, etc. Et surtout, alors Baldwin dit que c'est la personne qui va lui permettre de ne pas haïr les Blancs. Et ça, pour lui, c'est quelque chose de fondamental. Son père haïssait les Blancs. Son père haïssait les Blancs. Et Baldwin, finalement, dit à un moment que c'est Orilla Miller qui lui a permis, qui l'a sauvé, en fait. Sauvé de cette haine des Blancs, parce que cette haine des Blancs, malheureusement, pouvait le conduire, justement, à agir de manière dangereuse. Dangereuse. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du poète County Cullen. Ils étaient aussi très proches, donc c'était son autre professeur, un professeur de français, ils avaient en commun le fait de se considérer ou d'être considérés par les autres comme étant pas très beaux. Et ben ça oui. les a rapprochés. Ah, la laideur, oui. La laideur, Baldwin, oui, a toujours eu du mal avec la laideur. Hein. Mm-hmm. C'est sûr que son père le disait, hein, bien sûr, et puis lui-même se trouvait pas très beau. Hein. Et puis County Cullen, évidemment, aussi, ils partageaient cela. Et ils partageaient aussi le fait, tous les deux, d'être bâtards. Aussi, ouais. hein, donc c'est quelque chose qui les a rapprochés énormément. Hein. Donc County Cullen lui permet d'intégrer un prestigieux lycée, où là aussi il va faire des rencontres importantes pour la suite, Virginie Depardieu. Oui, il rencontre plusieurs personnalités qui vont devenir des personnalités assez célèbres. Hein. Oh, même très célèbres oui. dans certains cas, comme par exemple Richard Avedon, le grand voilà, photographe. Richard Avedon, avec qui il va justement collaborer à un moment de sa carrière avec l'ouvrage Nothing Personal, voilà. hein, je crois. Sans allusion en français. Hein. Ouais. Évidemment, Richard Avedon pour les photographies et Baldwin pour le texte. C'est un ouvrage d'ailleurs qui n'est pas très très très connu, mais pourtant très très intéressant, un petit peu délicat, puisque en fait finalement les photographies n'ont aucun rapport avec le texte, et c'est assez frappant. Et puis dans la même école, il y a Burt Lancaster, si je ne me trompe pas, et puis Émile Capouilla, qui lui permet évidemment, qui va lui permettre un peu plus tard d'avoir accès à certaines revues. Oui, parce qu'il sera rédacteur en voilà. chef, notamment de la revue The Nation. Voilà. Alors, évidemment, étant fils de prédicateur, Baldwin a un rapport très proche à la religion. Je vous propose d'écouter justement ce qu'il disait sur l'atmosphère à l'église quand il était enfant. Le dimanche, nous étions tous en église. De très bonne heure du matin jusqu'au soir. Enfin, quand on a commencé avec 11 ans, 12 ans, 14 ans, on trouvait un moyen de l'échapper le dimanche, mais ça coûtait cher, ça coûtait très cher. C'était un moyen de... La religion noire, c'est quelque chose difficile à exprimer aussi. C'était... Pour moi, quand j'étais jeune, je le détestais, mais quand même, il y avait une espèce de chaleur, quelque chose. Malgré tout, je savais qu'on n'était pas en train de me détruire. Il y avait la musique, surtout. Il y avait les gens qui étaient pleins de bonne volonté. Il y avait une grande tristesse, mais j'étais trop jeune pour comprendre cela. Et qu'est-ce que tu détestais déjà à cette époque dans la religion? C'est l'espèce de conformisme, c'est l'espèce de rigidité. Et aussi, j'ai commencé à détester le... C'est Dieu qui était blanc. Dès qu'on commence à penser à Dieu qui est blanc et toi qui es noir et le monde dans lequel tu vis, et dès qu'on commence à demander pourquoi, on n'éprouve pas tellement l'amour pour le bon Dieu. Des auteurs sur France Culture. Alors Virginie Depardieu, la religion, évidemment, a toujours une place très importante dans la famille de James Baldwin. Oui. Justement, vous venez de passer un extrait d'un entretien avec James Baldwin et il parle justement du conformisme de la religion. Il parle aussi de la musique. Hein. Alors, en fait, encore une fois, je pense que... Baldwin, là, revient bien des années plus tard sur ce qu'il a vécu. Et il a vécu ça pendant son enfance. Donc, une religion très, très dure, comme je l'ai déjà dit. David Baldwin, son père. Et puis, une entrée en religion qui va être un petit peu spéciale. Hein. À l'âge de 14 ans, il va avoir cette révélation, cette conversion, en fait. Et il en parle comme, finalement, a posteriori, il en parle plutôt comme un moyen de trouver un refuge. Oui. Il pense devenir prédicateur il comme son père à ce moment-là. Il pense sérieusement devenir prédicateur. Alors moi, je pense que évidemment, il y avait un côté, disons, prendre la place du père, etc., hein, qui me semblait quelque chose, faire mieux que le père. Oui. Hein. Oui, il y a toute une analyse un peu oédipienne de la relation à Dieu oui. le père aussi. Oui, c'est mon analyse. Après, je ne sais pas si tout le monde peut la partager, mais c'est vrai que je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là chez Baldwin. Et donc la religion, mais la religion évidemment comme refuge, essentiellement. Refuge non pas tant, je pense, contre le conformisme, en fait, finalement, mais plutôt refuge, vraiment un refuge je veux dire, concret, c'est-à-dire en entrant en religion, il est entré dans un endroit protégé, comme l'était la famille en fait, passer de la famille à la religion, au temple, pour éviter d'être dans la rue. Oui, puis on l'entend bien, en effet, l'église c'est un lieu où on ne se sent pas attaqué comme ailleurs. Et alors, il y a aussi l'un de ces biographes que vous citez, David Liming, qui pense que à l'origine de cette conversion, il y a aussi une agression sexuelle qu'il aurait subie cette année-là. Oui, voilà. Alors... Bon, je ne sais pas si elle est avérée, mais il semblerait, oui, que Baldwin aurait raconté qu'il aurait subi cette agression sexuelle et que, justement, évidemment, pour se protéger de l'extérieur, hein, ne pas tomber dans la rue, il a choisi de se tourner vers la religion qui vraiment lui offrait un sanctuaire, en fait. Et puis se protéger aussi de ce qu'il sent devenir en lui un désir homosexuel, et qui est évidemment très difficile à vivre pour lui à cette époque-là, dans ce lieu-là. Tout à fait, dans ce lieu-là et dans cette communauté. Hein. Déjà, l'homosexualité à l'époque, quand même dans les années 20 et 20-30, n'est pas quelque chose de facile à assumer dans la communauté blanche, mais dans la communauté noire, c'est encore plus difficile. Hein. Ouais. Et encore de nos jours, on peut dire que dans la communauté noire, c'est pas quelque chose de facile. Ouais. Hein. Donc, il va finalement décider de ne pas devenir prédicateur, et son dernier sermon, il choisira de le faire avec le texte préféré de son beau-père, intitulé « Mets ordre à ta maison ». Qu'est-ce que ça signifie pour vous, Virginie Depardieu, ce choix-là? Encore une fois, moi j'analyse comme quelque chose d'assez édipien, c'est-à-dire qu'en fait, il choisit de quitter l'endroit où finalement il a remplacé son père, en utilisant les mots que son père n'arrêtait pas de leur répéter étant enfant, mets ordre à ta maison, mets ordre à ta maison, hein, constamment. C'est quelque chose qui... Et puis évidemment, si on va chercher plus loin le sens, peut-être, un autre sens de mets ordre à ta maison, il remettait en ordre peut-être finalement de l'ordre dans sa propre vie, sa propre identité. Finalement, il s'est rendu compte que non, prédicateur, ça n'était pas sa voix. Mm-hmm. Ça n'était pas sa voix. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que ce qu'il ne supporte pas de la religion, c'est le mensonge. C'est le mensonge, c'est-à-dire qu'on prône des choses, mais dans les actes, on fait totalement le contraire. Et ça, il ne le supportait pas. Donc c'est l'époque où il va, à 17 ans, faire des petits boulots, manœuvrer des ascenseurs, nettoyer des caves, frotter des sols, travailler pour l'armée. Il va aussi de plus en plus fréquenter Greenwich Village, où il commence à écrire des textes, faire paraître un certain nombre de nouvelles. Et puis, un autre père, peut-être pour lui, c'est la rencontre de Richard Wright, qui est à l'époque un écrivain très important dans la communauté noire et qui va vraiment le porter à ce moment-là, Virginie Depardieu. Oui. Alors Richard Wright, à ce moment-là, est vraiment l'auteur, l'écrivain afro-américain, vraiment reconnu par, évidemment, la publication de Native Son. C'est pas totalement un hasard, mais c'est en fréquentant Greenwich Village que finalement il va avoir accès à Richard Wright et il va raconter un peu un mensonge. Hein, Baldwin déteste le mensonge, mais évidemment par moments ça peut servir. Hein, il raconte qu'il a en fait déjà rédigé un certain nombre de pages de son premier roman. Et Richard Wright, qui était quelqu'un qui aimait beaucoup aider les jeunes écrivains afro-américains, lui propose, écoutez, envoyez-moi ces premières pages, je vais les lire. Et donc, évidemment, il est forcé d'écrire très, très, très, très vite ces pages. Et il les propose à Richard Wright, et Richard Wright trouve ça très bien. Ouais, et donc ça, c'est l'entrée en littérature de James Baldwin. Y a évidemment toujours cette détestation des États-Unis. Et c'est à peu près à cette époque-là, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, que Baldwin décide de s'expatrier et de partir en France. Alors, est-ce qu'il part par amour pour la France? Sans doute moins que par envie de quitter les États-Unis, Virginie Depardieu. Tout à fait. Alors, il quitte les États-Unis parce qu'il se rend compte que s'il reste aux États-Unis, il ne pourra jamais, en fait, commencer véritablement sa carrière d'écrivain. Et il sent qu'il a cette vocation. Et puis, encore une fois, je pense qu'il y a un côté, si vous voulez, cette édite qui revient, hein, c'est-à-dire qu'en fait, Richard Wright est devenu un peu son mentor, son père, hein, une figure de père. Et Richard Wright s'est exilé. Alors lui, comme malheureusement, beaucoup d'ailleurs de Noirs américains qui se trouvent à Paris à ce moment-là. Oui, bon, Richard Wright a été plus ou moins forcé, hein, parce que il était bon communiste, la CIA commençait à le surveiller très sérieusement, et bon, il a été aussi invité, hein, par la France, et donc il s'est exilé. Et je pense que ça a aussi, disons, poussé Baldwin à imiter un peu, évidemment, peut-être son père, Richard Wright. Son deuxième ou troisième père, sait-on jamais. Alors Virginie Depardieu, on va continuer de raconter le parcours de la vie de James Baldwin, mais comme toujours dans cette émission, on prend quelques minutes pour des recommandations littéraires. Voici En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Compagnie des revues avec aujourd'hui Stanislas Rigaud de la revue Page des libraires. Bonjour Stanislas. Bonjour. Vous êtes un lecteur de James Baldwin ? Non, alors j'ai découvert l'année dernière avec les rééditions de chez Stock qui tous les ans rééditent un grand auteur. Harlem Quartet, Sibim Sweet m'était compté. Malheureusement, les livres sont partis dans cette fameuse pile de livres à lire. Ah, vous savez ce que c'est. Et donc, à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas été plus loin. Bon, alors ce que vous avez lu en revanche, c'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui. Et pour commencer, le livre de Jonathan Little, Une vieille histoire, chez Gallimard. Alors c'est le grand retour à la littérature au sens large de Jonathan Little, l'auteur des Bienveillantes, hein, qui avait été l'événement que l'on se souvient. Et il revient avec un livre où, cette fois-ci, il va débarrasser entièrement son récit d'un décorum, la Seconde Guerre mondiale pour les Bienveillantes, et nous faire partager les aventures pour le moins étonnantes d'un personnage qui sort d'une piscine, va s'habiller, revêt un jogging, ouvre une porte, prend un couloir et se met à courir. Il va tomber sur une première porte, il l'ouvre et une première scène va se jouer. La scène va se jouer, il va ressortir, reprendre la course, tomber sur une deuxième porte. Sept séquences vont animer chacune des parties. Alors, c'est extrêmement désarçonnant. C'est totalement hypnotique, absolument fascinant, puisque en fait chaque scène est bien évidemment très différente dans son contenu et en même temps a des échos qui font qu'il y a un jeu qui se dessine très très rapidement sur les liens possibles entre ces sept scènes et que chaque partie va aussi décliner ses liens entre les scènes et les parties. Donc ça devient un puzzle absolument incroyable. Alors, sur fond d'humanité, alors une humanité à la Jonathan Little, c'est-à-dire sans concession, plutôt très violente, plutôt très crue, mais brillamment écrit. C'est un voyage assez éprouvant, mais que je vous conseille chaleureusement. C'est un ovni, mais un ovni extrêmement fort, puisque derrière ce dispositif, il y a vraiment cœur, chair, âme. Ce n'est pas du tout un objet à regarder de loin, en fait. Et l'héritage des espions de John le Carré au seuil, est-ce que c'est un voyage éprouvant aussi, Stanislas Rigaud? C'est le deuxième ouvrage dont vous voulez nous parler. C'est absolument remarquable. C'est le grand retour de John le Carré. Alors, on ne le présente plus, l'immense auteur anglais. Alors qu'il faut bien évidemment rappeler, ce n'est pas un auteur de romans d'espionnage, c'est un immense auteur anglais tout court. Et il revient à 78 ans avec un de ses meilleurs livres depuis des années, qui va vous raconter les aventures, et surtout les mésaventures, d'un vieil espion convoqué alors qu'il est à la retraite pour visiblement s'expliquer sur une très très vieille affaire qui l'avait beaucoup touché. C'est vertigineux. C'est-à-dire que le récit vous prend à la première page, ne vous lâchera pas. Mais derrière, l'élégance du style, l'humour, les pièges et les embûches que vont dresser au fur et à mesure les différents personnages, il y a une formidable réflexion sur le monde d'aujourd'hui. Et si c'est au travers d'une histoire d'espionnage, ça aurait pu être au travers d'autres choses. C'est remarquable. Et quand on aura lu ces deux livres-là, on peut ouvrir le livre de Pierre Assouline, Retour à Sepharad. Ça n'a rien à voir, évidemment. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est un magnifique ouvrage de Pierre Assouline qui est un mélange de récits de voyage, alors voyage intérieur, c'est-à-dire son rapport à l'Espagne. Pourquoi ? Parce que le roi Philippe VI a proposé aux Sepharades d'obtenir la double nationalité espagnole. Il va nous expliquer pourquoi. On va partir dans l'histoire de l'Espagne, on va partir dans l'histoire d'aujourd'hui, dans les auteurs espagnols, dans l'art espagnol. C'est un magnifique ouvrage, parfois très drôle, sur l'Espagne d'hier et d'aujourd'hui et sur le rapport qu'on peut y avoir. Retour à Sepharad de Pierre Assouline, c'est publié chez Gallimard. Merci beaucoup Stanislas Rigaud. Tout cela évidemment est à retrouver dans les colonnes du magazine Page des libraires qu'on peut se procurer bien entendu en allant dans toutes les bonnes librairies. Dans toutes les très bonnes librairies. Voilà, c'est ça qu'on va faire. À bientôt Stanislas. Spreading my wings to the art of love as we c'est la suite de la Compagnie des auteurs et c'est sur France Culture, premier jour de notre série consacrée à l'essayiste et écrivain James Baldwin. Mon invité est Virginie Depardieu, maître de conférence à l'Université du Havre. Arthur regarda Crunch se déshabiller. Crunch sifflotait, un sifflement au timbre grave. Et il vint à l'esprit d'Arthur, à son grand étonnement, que Crunch sifflait parce qu'il était heureux, heureux d'être là, avec Arthur. Arthur regarda Crunch déboutonner sa chemise, regarda les longs doigts noirs jouer sur les boutons et le tissu, regarda la chemise voltiger à travers la pièce pour atterrir sur l'autre lit. Regarda Crunch défaire sa ceinture, laisser tomber son pantalon, enlever son tricot de corps, se débarrasser de son caleçon, mouvoir son long corps lisse et noir jusqu'au petit lavabo et se jeter un bref coup d'œil dans le miroir, puis faire couler de l'eau, se gargariser, la peau sombre luisant dans la chambre obscure, son corps, un miracle de colonne vertébrale, de la nuque aux fesses, épaules et omoplates, coudes, poignets, cuisses, chevilles. Un miracle d'os, de sang, de muscles, de chair et de musique. Extrait de Harlem Quartet lu par Patrick Carle, dans lequel on entend que Baldwin c'est aussi un écrivain de la sensibilité, même de la sensualité. Un commentaire peut-être sur ce texte, Virginie Depardieu ? Oui, alors vous avez parlé tout à l'heure, et puis je crois que vous l'aborderez un petit peu plus, l'homosexualité. Là, évidemment, on a évidemment un exemple de cet érotisme qui est présent chez Baldwin. Alors, pas dans tous les romans, mais dans un assez grand nombre. Hein. Notamment dans parmi les premiers, Giovanni's Room. Giovanni's Room. Mm-hmm. Alors, Giovanni's Room est un petit peu spécial, puisqu'en fait, finalement c'est le seul roman de Baldwin où il n'y a pas d'Afro-Américains. Il n'y a que des blancs. Il n'y a que des blancs. Roman. Enfin, des blancs. Giovanni est un peu basané. Donc, on peut se poser la question. Il est italien d'origine. Mais c'est vrai que c'est le seul roman. Et c'est ce roman qui lui a, à mon avis, permis de faire un genre de coming out. Et donc après, évidemment, vous avez passé un extrait de Harlem Quartet, c'est Just Above My Head en anglais, qui est le dernier roman. Et là, évidemment, on a une relation vraiment homosexuelle, une relation d'amour vraiment entre certains personnages. Et donc là, on voit bien aussi l'attachement de Baldwin pour le corps. Le corps, et on voit aussi dans cet extrait, on entend bien le miroir aussi, hein, la présence du miroir. Et ça, c'est quelque chose du qui miroir, va... Le miroir, c'est-à-dire... Voilà, le miroir qui va revenir, en fait, régulièrement dans la fiction. Le miroir qui permet, évidemment, de se voir, mais de se voir, en fait, en étant autre. Et donc... on a quelque chose qui va parcourir l'œuvre, surtout de fiction, de Baldwin, c'est-à-dire, en fait, l'idée que c'est dans l'altérité qu'on va pouvoir se connaître, c'est grâce à l'autre qu'on va se connaître, l'autre est le même, et bien sûr, la relation homosexuelle peut permettre peut-être de mieux se connaître, du moins, bon, c'est ce que j'ai... compris, enfin ressenti dans son œuvre. Mmh. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, Just Above My Head, donc Harlem Quartet, est vraiment le roman le plus abouti. Hein, c'est le dernier, bon évidemment, il vient beaucoup plus tard que les autres. Et donc je pense que Baldwin a fait tout un cheminement vis-à-vis de sa propre homosexualité et de l'amour. L'amour qui pour lui était... aussi l'amour fraternel, oui, hein, parce que c'est très proche. L'altérité, c'est pas que les amants, c'est non. Aussi en effet la famille, et on sait que les frères et sœurs sont très importants dans l'œuvre de Baldwin. On les retrouve à peu près dans Oui, dans un de ses romans, il y a une étreinte. Et une étreinte qui est, disons, qui est qualifiée par le protagoniste de comme un frère, comme un amant. Donc il y a vraiment une comparaison qui est faite entre le frère et l'amant. Mmh. Hein. Et c'est vrai que bon, les frères, les sœurs, la famille, tout ça, ça crée une communauté, tout ça. Et ça permet évidemment, c'est alors le miroir dans le sens de évidemment l'autre étant le miroir de soi-même, le regard de l'autre, etc. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour Baldwin, le fait qu'on se construit par rapport à l'autre. Mmh. Et donc si on se construit par rapport à l'autre, il faut nécessairement accepter l'autre. Et l'autre, c'est également l'autre race alors. Bien sûr, l'autre race, hein, puisqu'en fait toute la réflexion va venir aussi chez Baldwin à... pour comprendre ce qu'il est lui en tant que noir américain, défini comme noir américain par l'Amérique blanche, eh bien c'est en fait, que suis-je ? Pourquoi suis-je noir ? Je suis noir parce que tu es blanc. Et c'est évidemment toute sa réflexion sur alors je ne sais pas si on peut l'appeler négritude, négrité, blackness, hein, c'est toujours un petit peu délicat de donner un équivalent de blackness en français, cette idée que tout cela, en fait, tout ce que l'homme noir tout ce par quoi, disons, l'homme noir est investi par l'homme blanc, est en fait, ce ne sont que des projections que l'homme blanc a sur l'homme noir. C'est-à-dire, en fait, il projette sur lui toutes ses ses fantasmes. Et on en parlera assez largement. Dans la semaine. Mmh. Alors, l'écriture, évidemment, va prendre de plus en plus de place. Il va écrire 6 romans. Alors, oui. Ça peut paraître peu, mais il n'y a pas que les romans. C'est ça aussi, Virginie Depardieu. Non. Il écrit des romans. Alors, c'est vrai que, comme vous l'avez présenté, c'est vrai que souvent Baldwin est considéré comme d'abord un essayiste. Il est étudié en tant qu'essayiste très souvent, et c'est vrai qu'on laisse un peu de côté, malheureusement, son côté romancier. Il a quand même, comme vous l'avez dit, publié 6 romances, mais c'est pas si mal, hein. Mais c'est vrai qu'en parallèle, il a quand même eu une vie très remplie au niveau justement de l'écriture des essais, et puis des nouvelles, un recueil de nouvelles quand même. Il a écrit des recueils de poésie, il a un scénario de film, du théâtre, deux pièces de théâtre. Donc c'est quelqu'un qui a été assez éclectique, mais un éclectisme qui était revendiqué. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il a voulu essayer de faire passer son message de toutes les manières possibles. Et alors, vous le disiez tout à l'heure, c'est une écriture qui est non pas autobiographique, mais en tout cas des personnages qui lui ressemblent beaucoup, sauf peut-être dans La chambre de Giovanni. Alors évidemment, les personnages lui ressemblent dans le sens où c'est une histoire d'homosexualité. Oui. Mais comme vous l'avez dit aussi, là, il n'y a pas de question sur la couleur de la peau dans Giovanni's Room. Pour quelle raison? Parce qu'on a pu lui reprocher ça aussi dans la communauté noire, d'avoir écrit un roman où finalement il n'y a que des blancs. Moi, je pense que ce roman se passe en France. Hein. C'est un Américain blanc qui se retrouve confronté en fait justement à un problème d'identité, mais d'identité sexuelle cette fois-ci. Donc il a voulu évacuer finalement la question de la couleur de peau. Je pense qu'il a fallu qu'il évacue la couleur de peau pour pouvoir, ça c'est mon avis, hein, qu'il a fallu qu'il évacue le problème de la couleur de peau pour parler d'un autre problème, le problème de l'identité sexuelle. C'est-à-dire, en fait, son orientation sexuelle à lui, peut-être faire son coming out. Alors, je sais pas si tout le monde sera d'accord avec moi, mais je pense que c'est la raison première. Mmh. Après, évidemment, il y a beaucoup de choses dans la chambre de Giovanni qui traite d'autres choses que uniquement de l'homosexualité. Hein. Mm-hmm. Il y a beaucoup de choses. Donc, on l'a dit, il a vécu longtemps en France, et puis à un moment donné, il est reparti aux États-Unis. Il y est revenu. Est-ce que vous avez l'impression que la France, finalement, l'a bien accueilli, parce qu'il a peut-être été aussi un petit peu oublié chez nous, malgré les rééditions chez Stock. Qu'en pensez-vous, Virginie Depardieu? Oui, je trouve que c'est très dommage d'ailleurs que Baldwin ne soit pas, disons, plus connu en France, puisque c'est un écrivain quand même qui a vécu en France très longtemps, qui aimait beaucoup la France, qui a fini ses jours en France. Alors à Saint-Paul-de-Vence, vous avez choisi le sud, pour quelle raison? Alors, Saint-Paul-de-Vence, me semble-t-il, parce qu'il y avait une communauté à l'époque d'artistes. Hein, il y avait quand même Simone Signoret, César, le sculpteur, etc. Et je pense que ça l'a beaucoup, beaucoup influencé. Il a été invité là-bas un certain nombre de fois. Et puis, il se trouve que une maison l'a attiré. Et bien sûr, il a décidé de s'installer là définitivement. Je pense que c'était un petit peu un havre de paix, encore peut-être un refuge, hein, voilà. Peut-être. Il faut dire que, comme vous l'avez dit, il est retourné aux États-Unis essentiellement pour s'impliquer dans politiquement. Finalement. Voilà, exactement. Mmh. Il a dit à un moment qu'il devait payer. Il y avait un prix à payer, hein, et qu'il devait payer ce prix lui aussi, hein, pas uniquement ses frères et sœurs de couleur aux États-Unis, et qu'il ne pouvait pas rester en France. Il est donc rentré aux États-Unis et puis il est revenu en France à un certain moment parce que, évidemment, il faisait des allers-retours, en fait. Hein, parce que, finalement, à mon avis aussi, et il le dit un peu lui-même parfois, pas toujours de manière très claire, mais je pense qu'il avait un peu peur pour sa vie en restant là-bas. S'il continuait à être là-bas, il avait des liens avec les Panthères Noires, il avait des liens avec toute cette frange des mouvements noirs qui devenaient un peu plus radicaux. Mmh. Et bon, quand même, Martin Luther King avait été assassiné, Medgar Evers avait été assassiné. Il s'est dit, peut-être que ce sera mon tour un jour. Et donc, finalement, il a décidé que peut-être il arriverait à continuer sa lutte plus facilement, peut-être, depuis la France. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, dans ses essais, Virginie Depardieu, James Baldwin a beaucoup accusé les Américains de ce qu'il considère comme une espèce d'incapacité, finalement, à affronter la réalité. C'est une espèce de psychanalyse de l'Amérique aussi, par les essais de James Baldwin. Tout à fait, oui, vous avez tout à fait raison. Moi, je pense que le grand apport de Baldwin au niveau des essais, et bien sûr aussi dans la fiction, puisqu'il a mis en fait il a illustré par la fiction ses essais, c'est le fait qu'il s'est attaché aux sources psychologiques du racisme des Blancs. Alors que beaucoup avant, Richard Wright, etc., avaient plutôt essayé de trouver des sources sociales, politiques, évidemment historiques aussi, avec évidemment la naissance du racisme, etc. Oui. Mais lui a essayé de voir le côté psychologique, c'est-à-dire en fait avec l'aide de la psychanalyse, hein, c'est-à-dire en fait les phénomènes de projection, etc., hein, avec cette idée que justement, comme je l'ai dit précédemment, le blackness, hein, la, tout ce qui définit en fait le noir, finalement tout ce qui est associé avec au noir, c'est en fait une construction fantasmatique du blanc. Mmh. Alors, il retourne donc aux États-Unis justement pour lutter contre les questions de ségrégation. Et il y a ce moment qui est le point d'orgue de son engagement, pourrait-on dire, en mai 1963. C'est une entrevue qu'il obtient avec Bob Kennedy. Racontez-nous ça, Virginie oui. Depardieu. Alors, il est convié hein, par Bob Kennedy, qui ne convie pas que James Baldwin, mais plusieurs figures, Lauren Hansberry, qui est une dramaturge afro-américaine. Et on lui demande, parce que c'est vrai que régulièrement, hein, tous les étés, il y a des insurrections dans les quartiers noirs. Et en fait, on leur demande à Baldwin et aux autres, qu'est-ce qu'on peut faire, hein, qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être essayer On les consulte un petit peu. Voilà, on les consulte, on leur demande des conseils. Et il se trouve que eh bien, l'un des conseils qu'on peut donner, qu'on propose, qu'on suggère à Bob Kennedy, c'est de suggérer à son frère, JFK, hein, oui, d'accompagner une enfant noire pour faire respecter, en fait, évidemment la décision de la Cour suprême qui, évidemment, rendait illégale la ségrégation raciale dans les écoles depuis 1954. Ouais. Hein, donc ça faisait quasiment, ça allait faire bientôt 10 ans, hein, ça faisait 9 ans. Disons, arguant du fait que si jamais la foule se mettait à cracher sur, évidemment, cette jeune fille, il cracherait sur, évidemment, le président et sur toute la nation. Évidemment, ça a été refusé. Oui. Kennedy ne va pas jusque-là. C'est peut-être aussi l'une des raisons qui va faire qu'à un moment donné, Baldwin va se radicaliser. Il n'y a pas que ça, il y a aussi, évidemment, les assassinats de ses amis, Martin Luther King, Malcolm X, l'assassinat de Kennedy, lui-même. Il y a une radicalité qui augmente tout de même chez Baldwin au fur et à mesure des années. Oui, on voit bien ça, on voit très bien ça dans les essais. Si on prend les essais, si on les lit de manière chronologique, on voit bien que au début, Baldwin commence à être vraiment totalement dans la veine de Martin Luther King, c'est-à-dire bien sûr non-violence. Et d'ailleurs, il participe lui-même aux Freedom Rides, aux sit-ins, aux rallies, etc., de manière très pacifique. Et puis, lui-même le sent aussi avant, disons, 63, à peu près dans les années, au début des années 60, il sent déjà qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Hein. Et c'est vrai que ça va pas assez vite et ça va pas assez loin. Voilà. Mmh. Et c'est vrai que certains événements, comme bien sûr l'assassinat de Kennedy, comme l'assassinat de Medgar Evers, comme bien sûr un peu plus tard l'assassinat de Martin Luther King, tout ça va l'amener à être convaincu que eh bien, les Blancs sont sourds, ils n'entendent pas. Il va parfois jusqu'à comparer la situation des Noirs en Amérique au massacre au Vietnam, voire même à faire l'analogie avec la Shoah et l'Allemagne du Troisième Reich. Donc là, c'est une pensée qui, pour le coup, devient très très radicale. Très très radicale. Est-ce que c'est quelques mots prononcés ou écrits par Baldwin, ou est-ce qu'il y a vraiment c'est quelque chose, pensée étayée là derrière. C'est quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui revient. On le sent bien à partir d'un certain moment. Par exemple, l'analogie avec l'Holocauste, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans les entretiens qu'il donne, etc. Après, non, je pense que c'est pas quelque chose de très construit. C'est bon, vous savez que dans la culture afro-américaine, il y a toujours eu un parallèle, bizarrement, qui a été fait entre le peuple juif et le peuple noir, hein, avec bien sûr dans certains gospels, par exemple Go Down Moses, par exemple, hein, on a l'allusion, évidemment, enfin l'analogie entre le peuple juif qui va être libéré et bien sûr le peuple noir qui serait libéré de l'esclavage lui aussi. Donc il y a peut-être cela. Je pense que c'est bon, Baldwin a aussi été un peu provocateur, hein. Il aimait bien aussi provoquer, hein, donner un petit peu des gifles, hein, par moment, à l'homme blanc, hein, le réveiller un petit peu et lui lancer au visage l'Holocauste, hein, bien sûr, qui est quand même quelque chose de très, très, de très fort, hein, très puissant. Alors, en conclusion, vous dites que l'ensemble de la vie de Baldwin a consisté à tenter de remettre de l'ordre dans la maison Amérique, comme si cela relevait d'une mission divine. En quelques secondes, peut-être un commentaire sur cette phrase. Oui, je pense remettre de l'ordre, hein, évidemment, on en revient toujours à « mets de l'ordre à ta maison hein, », ce leitmotiv venant de son père. Oui, je pense qu'il a essayé il a essayé d'ouvrir les yeux. Hein, d'ouvrir les yeux. On l'a aussi considéré comme un prophète. Mm-hmm. Un prophète, c'est un témoin. C'est quelqu'un qui a vu et qui a vu la vérité et qui doit faire passer le message, qui doit essayer de convaincre les autres. Et donc, je crois qu'il a essayé de faire cela, essentiellement. Merci beaucoup, Virginie Depardieu, pour cette présentation de la vie de James Baldwin. Je rappelle qu'en 2004, vous avez publié chez Belin un essai biographique intitulé tout simplement James Baldwin et qui est une bonne synthèse pour qui souhaiterait découvrir en profondeur la vie et l'œuvre de cet écrivain américain. Demain, nous continuons notre exploration de l'œuvre de Baldwin. Ce sera en compagnie de Samuel Legitimus. Mais tout de suite, et comme chaque jour sur France Culture, c'est le moment de la poésie. Et c'est évidemment avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Avec Sandra Moussimpès, c'est un retard de plus de 2 ans que nous rattrapons. On se souvient de Sunny Girls ? Enfin, moi je m'en souviens. Comme d'un rappel insistant, bien à part dans les pelotons d'excellence jouant à fiction-réalité, faisant son cinéma de la tête et des mots. Ici, nous nous saisissons du récent colloque des télépathes, d'abord parce que la curiosité n'y résiste pas. Colloque des télépathes, publié chez La Tante, c'est votre tour, Sandra, approchez en compagnie des sœurs Fox qui communiquent avec les esprits, mais je vois près de vous Emily Dickinson, la poétesse américaine née en 1830, oui, au Massachusetts. Oui. La nature est une maison hantée, l'art une maison qui essaie de l'être, disait Emily. 3 sœurs plus jolies qu'une. La 4e sœur n'est plus photographiée dès 1812. Elle porte un pull en viscose et regarde de biais. Personne ne verra son visage. Si le pli de sa robe se consume, si ses souliers sont vernis, pensez-vous être en danger ? Colloque des télépathes, ouverture à la surface des phénomènes. Certaines réponses se sont évaporées sur ce guéridon. Nous étions dans un corridor passant d'une certitude à l'autre, sans pour autant faire tournoyer nos sensations. Il s'agissait peut-être de nulle part, sauf si nulle part est une chambre à air, militant pour le prolongement des rêves éveillés. Tu affines une pensée, nous sommes entourés de terre glaise, et d'une impression de déjà-vu. Chaque trou représente une dissonance à recoudre le long de vies parallèles. Les enveloppes remplies de sirènes sont toutes tombées. Si nous perdons du temps à en gagner, nous sommes nous-mêmes notre alter ego retenu dans un trou enduit de paillettes. Je suis ici pour brouiller les pistes et non pour m'expliquer. « Si la gloire m'était destinée, je ne pourrais lui échapper, » disait Emily Dickinson. Pourtant, elle s'amourache d'un révérend qui s'enfuit et fait semblant de ne pas savoir ce que valent ses poèmes. Tout glisse dans le reflet du miroir, reflétant un miroir, reflétant un miroir, reflétant un miroir. Ensuite, les miroirs minuscules sont ponctionnés dans son esprit. Emily Dickinson, pour être hantée, nul besoin de chambre, nul besoin de maison. Le cerveau a des couloirs, pire qu'un lieu matériel. Bien plus sûr, la nocturne rencontre d'un fantôme extérieur que l'affrontement de l'infime, cet hôte plus froid. Bien plus sûr de galoper dans une abbaye, les pierres à ses trousses, que sans armes se battre contre soi dans un endroit désert. Soit derrière soi, dissimulé, voilà la plus grande alarme de l'assassin caché au domicile, bien moindre est l'horreur. Le corps s'empare d'un revolver Il verrouille la porte, oubliant un spectre supérieur, ou plus encore. Merci Jacques Bonafé, vous consacrez cette semaine vos lectures à la poétesse Sandra Moussampès.